Alors, Milly, ce stage, c'en est où? Bah, j'ai toujours pas trouvé, et vu que j'ai envie de rester à Toulouse et de garder une accroche avec l'agronomie, je sais pas quoi faire. Mais t'as pensé à chercher dans l'agriculture urbaine? J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas ce que c'est exactement. Mais si, tu sais, c'est... Énergie. La végétalisation. Permaculture. Ville. Les jardins partagés. La ville. Proximité. Intégration, ville. Étage. Nature, pollution. Des ruches sur les toits. On n'en voit pas. Sur les toits, il y a des petits jardins dans les grandes villes, tout ça. Mmh. Intensive. Hors sol, proche du consommateur. Résilience. Chimique. Petit. Petite surface. Toit. Petite surface. Hein. Bobo. Surface en plus. Bobo. Ville. Écologie. Nouveauté, on va dire. Éducation. Optimisation. Légumes. Production au sein des bâtiments. Innovation. Bon, et si on débriefait? AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour, on est Pierre-Jean, Rachel et Émilie, trois étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan dans le domaine d'approfondissement, devenir acteur de la transition agroécologique ou pour les intimes, data. Donc c'est notre premier podcast et on va vous parler d'agriculture urbaine. Donc pour nous, ce sujet, il n'est pas anodin parce que c'est un sujet très innovant et parfois bien trop peu connu du grand public. Dans la première partie, on va vous parler de l'histoire de l'agriculture urbaine et faire un état des lieux de la situation en France, à Toulouse et dans le monde. Nous accueillerons dans la deuxième partie de l'émission Laurent Rougerie, co-gérant de la SCOP Terre au Ciel, qui prône le rétablissement des écosystèmes résilients. Il discutera avec nous des problématiques et questionnements autour de la thématique de l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, c'est la production alimentaire dans des zones urbaines ou périurbaines, généralement sur des espaces qui ne sont pas dédiés à cet effet. Donc, par exemple les toits, les friches, les murs ou encore les espaces publics. La définition n'est pas unique, il y a des nuances qui sont rajoutées, apportées en fonction des méthodes utilisées, des lieux où c'est pratiqué ou encore la superficie qu'elle occupe en ville. C'est une pratique plutôt ancienne qui a émergé face à de nouveaux enjeux comme l'accroissement de la population en ville ou encore l'augmentation de la sensibilité écologique par les habitants. Cette nouvelle agriculture pourrait répondre aux besoins alimentaires des urbains tout en leur apportant un mode de vie plus vert et plus durable. Cela fait donc déjà quelques années que l'on voit s'implanter en zone urbaine ou périurbaine des projets agricoles. Selon une étude de Futura, convertir 10% des espaces verts urbains permettrait de fournir 15% de l'alimentation en fruits et légumes quotidiennes recommandés. C'est une petite part, hein, mais ça contribue à sa manière à l'alimentation des citadins. Mais l'agriculture urbaine, c'est également d'autres objectifs, comme créer du lien social et faire connaître l'agriculture auprès des jeunes. Légalement, l'agriculture urbaine a une définition, on va l'écouter tous ensemble. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Mais alors, il veut dire quoi ce texte de loi ? Eh bien, il veut dire que l'agriculture urbaine possède le statut d'activité agricole, qu'elle soit sur les toits ou dans nos sous-sols pour cultiver des champignons et des endives, dans des serres aquaponiques ou en jardins partagés, dans des tours maraîchères ou dans des friches réhabilitées. Cependant, la législation et les normes ne sont pas toutes les mêmes, en ce qui concerne la pollution des sols, surtout pour les friches industrielles. En agriculture urbaine, on retrouve majoritairement des cultures maraîchères, mais pas que. Ce système est aussi divers qu'utile. En effet, donc, concernant l'état des lieux en France, plus précisément en Île-de-France, on compte plus de 1300 jardins collectifs sur près de 1000 hectares, dont un peu moins de 700 jardins familiaux et un peu plus de 300 jardins partagés selon l'INRAE en 2020. Si on zoome sur les grandes villes, plusieurs projets participent à l'essor de l'agriculture urbaine. C'est le cas, par exemple, de la ville de Marseille, qui est une ville pionnière puisque depuis les années 80, elle met en place des fermes pédagogiques municipales et compte une cinquantaine de jardins partagés pour une superficie totale de 4 hectares et demi. La ville de Bordeaux suit cette voie et se dirige vers un développement de l'agriculture urbaine intégré au projet urbain de la métropole. C'est un budget annuel d'environ 200 000 euros qui est alloué à l'encouragement de cette fameuse agriculture urbaine. Mais en fait, l'agriculture urbaine, il y en a partout, même à Toulouse. Par exemple, au Macadam Garden, on y retrouve des parcelles maraîchères qui sont installées sur les toitures de 3 bâtiments de la résidence. On le retrouve également à l'hôpital des enfants, dans le cadre du projet Périscope, qui vise à améliorer les conditions de travail à l'hôpital. À la clinique Pasteur, avec des potagers thérapeutiques. Ou encore à Eden, un collectif regroupant 12 structures, donc là où on retrouve d'ailleurs notre futur intervenant. On y retrouve donc des associations maraîchères, des entreprises, qui partagent sur un espace de 1,7 hectare des bureaux, des salles de réunion, des hangars de stockage, des serres, des zones de maraîchage, des plateformes de compostage. Plus proche de notre école, au quartier de la Cartoucherie, les potagers du Barry, donc jardin partagé qui se compose de 40 parcelles individuelles et d'une grande parcelle collective, accessible à tout moment pour tous les adhérents. On pourrait dire que ces structures sont indispensables, notamment car dans beaucoup d'endroits, la ceinture maraîchère, située en périphérie des villes, a disparu sous la bétonisation pour des zones commerciales, industrielles ou résidentielles. Parfait, donc on vient de faire un premier pas dans l'agriculture urbaine grâce à PJ et Émilie. Et maintenant, je vous propose de s'ouvrir un peu au monde et de voir et qu'est-ce qui se passe dans nos pays voisins en termes d'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a des pays leaders ? Donc tout d'abord, je compte faire la distinction entre deux types d'agriculture urbaine. PJ nous a dit que c'était plutôt ancien, mais on a volontairement décidé de choisir des pays qui étaient très développés. Des pays dans lesquels on fait l'agriculture urbaine avec de lourds investissements, des techniques innovantes. Car dans les pays du Sud, la problématique est souvent très différente et ce n'est pas anodin d'avoir un poulailler pour nourrir sa famille. Donc pour les pôles de production urbaine, comme on aime l'appeler, il y en a deux majeurs, l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc pour commencer sur l'Asie, on a l'exemple de Singapour qui est un tout petit pays, mais qui dépend beaucoup des imports internationaux pour répondre à ses besoins alimentaires et qui s'est fixé comme objectif d'être beaucoup plus résilient sur ses besoins alimentaires justement d'ici 2030 et de produire localement des fruits et des légumes avec notamment de la production en agriculture urbaine. Lors de mon semestre à l'étranger à Séoul, j'ai pu étudier le cas de Skygreens qui est basé au nord de Singapour. Ensuite, toujours en Asie, on retrouve le Japon et la Corée qui, eux, font face à des enjeux de gestion de l'espace. Ce sont des pays qui ont des villes très densément peuplées et qui ont aussi des besoins alimentaires et qui sont souvent connus pour être à la pointe de l'innovation avec de forts investissements, notamment au Japon et à Tokyo, sur des petites surfaces étriquées pour faire de l'agriculture verticale. Enfin, pour l'Amérique du Nord, bien sûr, les États-Unis se différencient avec des lourds investissements en hydroponie notamment, mais il est impossible de ne pas mentionner le Canada qui est vraiment leader en matière d'agriculture urbaine. La ville de Montréal est vraiment pionnière, elle a mis en place des programmes d'agriculture urbaine très tôt dans l'histoire avec des jardins communautaires en 1975 et des premières fermes urbaines commerciales dans les années 90. Actuellement, Montréal a adopté une stratégie d'agriculture urbaine depuis 2021 qui durera 5 ans et qui donc se finit en 2025 et on sera curieux de voir ce que cela a donné. Ce qui est vraiment intéressant de voir sur le pays, sur le Canada, c'est qu'on a de nombreux acteurs dans l'agriculture urbaine qui ont une efficacité reconnue. On retrouve des fermes verticales comme celle de Goodleaf Farms qui produisent plus de 370 tonnes de micro-pousses. Donc les micro-pousses, c'est des super aliments. On retrouve des micro-pousses de pois, de brocolis, de radis. Et donc ils produisent 370 tonnes annuellement de micro-pousses en utilisant 95% d'eau en moins qu'une agriculture traditionnelle sur une surface équivalente. Mais on retrouve aussi Lufa Farms qui est historiquement connue à Montréal. Pour avoir mis en place un système d'abonnement hebdomadaire et donc qui permet de s'insérer parfaitement dans le marché des fruits et légumes car très accessible. Également à Vancouver, l'initiative Soul Food Street Farms a converti de vastes espaces urbains en terres cultivables et qui devient ainsi l'une des plus grandes fermes urbaines en Amérique du Nord. Voilà, donc on a vu que beaucoup de pays se mettent à encourager l'agriculture urbaine. La France aussi, et c'est aussi le cas de Toulouse. Mais pour autant, lors de notre micro-trottoir qu'on a mené avec Émilie et Pierre-Jean, on a remarqué que peu de personnes s'y connaissaient concrètement ou que même certaines personnes étaient plutôt réticentes quant au devenir de ces pratiques urbaines. Et il nous semblait important d'en parler, de parler des freins, mais aussi des perspectives de l'agriculture urbaine française et toulousaine avec un acteur du secteur. C'est pour ça que juste après une pause, on retrouvera Laurent Rougerie, qui est ingénieur agronome, mais aussi co-gérant de la SCOP Terre au Ciel à Toulouse, spécialisé en agriculture urbaine. On vous laisse avec un extrait de la vidéo « C'est quoi l'agriculture urbaine ?» de Ophélie, ta mère nature, une chaîne YouTube dont on vous conseille la visite, tant elle est engagée et divertissante. Bonjour Paris! On parle beaucoup d'agriculture urbaine aujourd'hui et je me suis dit que ce serait bien de vous faire un petit topo, l'agriculture urbaine pour les nuls. Bon, tout le monde s'excite sur l'agriculture urbaine aujourd'hui, mais en vrai, mollo les gars, en fait ça existe depuis toujours. À partir du moment où il y a eu des zones urbaines, les gens se sont mis à cultiver sur des petites surfaces. Ça peut être des balcons, des terrasses, des petits jardins, des friches. Et le principe c'est évidemment d'être respectueux de son environnement. En fait, il y a plein de formes possibles. Ça se contente pas à une seule technique ou un seul paysage. Ça englobe les jardins partagés, les jardins ouvriers, les cultures en hydroponie, en aquaponie. Il y a plein de nouvelles technologies qui voient le jour aujourd'hui. Ici, par exemple, on cultive des plantes aromatiques, des petits fruits comme les tomates, des fraises, des framboises, des poivrons. Beaucoup de plantes aromatiques comme du thym, du romarin, de la sarriette, de la sauge. Le savais-tu ? Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si un jour on coupe complètement les vivres de la ville, eh ben on est dans la merde, au bout de 3 jours, on crève la dalle. Alors c'est sûr, l'agriculture urbaine n'a pas la prétention de dire qu'elle va régler la faim dans le monde et voilà, nous rendre autonomes sur Paris, mais ça contribue quand même un petit peu à avoir de la nourriture locale et de qualité. Oh, une abeille! Oh, là. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'en fait en ville il y a plein d'insectes et il y a plein d'oiseaux. C'est juste qu'on les voit pas. Et l'agriculture urbaine, ça permet aussi d'accueillir cette biodiversité, de lui filer de la nourriture, de lui filer un endroit pour se reposer, pour dormir, pour se reproduire. Et ça, c'est cool aussi. Attention, ce que je vais vous dire va maintenant vous étonner. L'agriculture urbaine contribue à la diminution du CO2. Ça peut gérer une partie des déchets. Par exemple, ici, on récupère l'eau de pluie, sans oublier notre ami le compost. Donc, c'était un extrait de la vidéo « C'est quoi l'agriculture urbaine ?» de la chaîne YouTube Ophélie Ta Ma Nature. Vous êtes toujours sur Campus FM dans l'émission Agro J'écoute. Nous sommes 3 étudiants de l'école d'ingénieurs agronomes de Purpan et on vous parle d'agriculture urbaine. Dans la première partie de cette émission, nous avons fait un petit point histoire ainsi qu'un état des lieux de l'agriculture urbaine en France, mais également dans le monde. Tout de suite, nous recevons Laurent Rougerie, ingénieur agronome et co-gérant de Terrociel, une SCOP spécialisée dans le domaine. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, et vous ? Merci. Ça va, ça va. Bon, on est ravis de vous avoir avec nous pour discuter du sujet. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'en pensent vraiment les gens. Et comme c'est plus rigolo de se balader dans les rues avec un micro-cravate, eh ben, on est allé leur poser la question. On les écoute. Moi, j'ai fait mes tomates dans mon jardin juste à côté, donc forcément j'y crois, oui. Déjà, je les mange, je vais bien. Bon, j'ai pas analysé les sols, j'espère qu'il n'y a pas de diffusion depuis la cartoucherie, quoi. Ok, d'accord. Bon, avec les voitures et tout, toujours un peu de route, mais bon, c'est déjà ça. Comme moyen de régulation thermique sur les immeubles. Il faut espérer que ça se développe un petit peu, parce que c'est aussi important pour l'avenir, je pense. Ben, réduire un peu la température en ville. Donc, comme on a pu l'entendre dans ces échanges dans les rues de Toulouse, on a entendu que les préoccupations, elles étaient plutôt centrées sur la pollution. Donc quel impact et à quel niveau ? Est-ce que c'est possible de dépolluer les parcelles ? Et aussi que, possiblement, l'agriculture urbaine pouvait être une solution à la hausse des températures en ville. Vous en pensez quoi, vous ? Eh ben, je dirais que la pollution est plus un sujet qu'un problème. Donc, c'est un vrai sujet en agriculture urbaine. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Malgré tout, tous les secteurs ne sont pas pollués, donc faut rien généraliser. Mais ce qu'il faut généraliser, c'est plutôt la démarche et la méthode. Voilà, l'idée d'envisager des études de sol, notamment, parce que c'est vraiment le vecteur premier de la pollution en milieu urbain. Donc des études de sol avant toute implantation de sites d'agriculture urbaine. Ensuite, il y a beaucoup de projets de recherche action qui ont été menés. Il y a une méthodologie qui s'appelle Refuge, qui est très bien cadrée, qui permet de guider tout porteur de projet pour faire ses analyses. Et ensuite, selon les niveaux de pollution, alors oui, il y a des sites où ça va vraiment être compliqué de faire de l'agriculture en pleine terre, mais ensuite, il y a des solutions, hein, des plans de gestion, des méthodes à appliquer pour faire pousser des légumes ou d'autres productions agricoles malgré la pollution. Aussi, d'autres façons de faire pousser en s'affranchissant du sol, ou bien envisager de la dépollution. Sur la dépollution, là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe, un peu plus sur des temps longs, Et je dirais qu'il y a un vrai sujet de qui porte cette problématique sur le temps long, puisqu'un porteur de projet avec son modèle économique propre ne peut que difficilement la gérer. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sites qui sont plus à même d'être pollués, par exemple les friches industrielles? La première étape de l'étude, d'une étude, d'un diagnostic autour de la pollution, c'est l'étude historique et documentaire du site. Donc savoir ce qui s'est passé dessus avant, avant même de se poser la question d'aller faire des études en labo. D'abord, on regarde les usages passés. Si on a une terre qui a toujours été agricole, c'est sûr que c'est un peu plus rassurant que c'est une activité industrielle sur site. Mais donc oui, il y a des sites, il y a même des régions de la France où il y a des pollutions des sols particulièrement importantes, des régions minières, des anciens sites industriels, des sites où il y a eu de l'épandage de bouts de stations d'épuration à une époque où elles étaient polluées. Donc voilà, quand on fait des études historiques, déjà, on peut avoir des indices qui ensuite aiguillent l'étude sur le terrain et l'approche labo. Excusez-moi, Laurent Rougerie, moi c'est Rachel, je suis aussi une étudiante du podcast. J'avais juste une question, moi j'ai fait un stage en agriculture urbaine à Paris l'an dernier, et nous on faisait pas de l'agriculture dans le sol, on avait des tours hydroponiques, et je voulais savoir, dans le cas de l'agriculture urbaine en sol, est-ce que vous pouviez être labellisé agriculture biologique ? Oui, bien sûr, ouais. Donc effectivement, à part quelques exceptions, c'est pas possible de labelliser de l'agriculture hors sol en bio, parce que ça fait partie du cahier des charges d'être connecté à un sol et à un terroir qui va avec. Mais ensuite, agriculture urbaine, à partir du moment où on est en pleine terre, il n'y a pas de problème. Au terre au ciel, on opère des sites qui s'appellent les carrés maraîchers, un projet d'agriculture urbaine qui s'appelle les carrés maraîchers. Et on a trois sites. Les trois sont cultivés en agriculture biologique, mais un seul est labellisé. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème pour labelliser des sites. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et du coup, donc, l'implantation de l'agriculture urbaine, ça se fait d'abord avec une documentation poussée. En amont, oui. Sur les risques de pollution, c'est important de le regarder. Ok. Et du coup, pour les températures ? Et oui, donc est-ce que l'agriculture urbaine contribue, on va dire, au rafraîchissement des villes ? Ça, c'est une vraie question qui est de plus en plus regardée aujourd'hui. À titre d'exemple, on a, sur le tiers-lieu Eden à Toulouse, on a une station météo qui a été implantée et qui fonctionne avec deux copines, une au Carme, donc vraiment en intra-urbain à Toulouse, et une au Jardin japonais. Et c'est assez intéressant de regarder les résultats. Ça permet un peu de quantifier ce que tout le monde pressent. Hein. Tout le monde le dit, que l'agriculture urbaine contribue aux îlots de fraîcheur urbains, ou permet de contrer les îlots de chaleur. Et donc ça se vérifie sur cette expérimentation-là, sur le terrain. Et ce qui est intéressant de regarder même plus finement, c'est donc d'abord la contribution du végétal à la fraîcheur, l'infiltration des eaux de pluie, l'évapotranspiration, tout ça, ça évite de surchauffer par rapport au site des Carmes, qui est vraiment beaucoup plus chaud. Mais même par rapport au jardin japonais, on constate aussi des températures bénéfiques par rapport à, enfin, sur notre site Eden. C'est un site qui est encore plus frais. Et on pense qu'a priori, c'est lié au fait qu'on irrigue, étant donné qu'il y a plusieurs projets maraîchers sur site. Et donc, qui dit maraîchage dit irrigation. Et donc, cette irrigation permet une évaporation qui limite les températures. Donc, il y a une vraie contribution de l'agriculture urbaine aux îlots de fraîcheur urbains. On peut simplement regarder quelques... si on veut un peu nuancer, il y a quelques exceptions. Comme je disais, la fraîcheur est vraiment liée à l'eau et à son évaporation. Et donc, on avait fait une étude sur un territoire avec terre au ciel en Normandie, et on avait travaillé sur des cartes thermiques qui nous permettaient d'analyser vraiment les îlots de fraîcheur, de chaleur. Et on constatait que les grandes cultures, par exemple, peuvent par contre avoir un impact négatif. Si je prends un champ de blé, un champ de maïs, il va être vert, il va évapotranspirer au printemps quand il fait pas trop chaud. Par contre, en été, les cultures sont en train de sécher, on les laisse sécher jusqu'à la récolte du grain, et là, c'est la fournaise, quoi. C'est des sites qui sont vraiment très très chauds, et plus chauds que du pavillonnaire, plus chauds que un parc, évidemment. Donc voilà, l'agriculture urbaine, c'est pas que les projets, on va dire, intra-urbains récents, c'est aussi l'agriculture qui a été rattrapée par la ville, et tout type d'agriculture ne contribue pas à rafraîchir le milieu urbain. Merci beaucoup pour ces explications. Donc on a continué à nos micro-trottoirs et on a eu bien sûr d'autres interrogations de la part des citadins. En effet, d'autres problématiques comme l'accès au foncier et de l'installation des maraîchers sont aussi présentes, comme on peut l'entendre dans cet enregistrement. Ouais, je pense que dans une certaine mesure, oui, c'est juste une redistribution des surfaces à prévoir. Ce que j'y prends moins, par contre, c'est tout ce qui est agriculture urbaine sur toi. Je pense que la mise en œuvre est compliquée, surtout la gestion des ressources. Bah, à petite échelle, j'y crois, oui, mais ça va pas se développer à grande échelle, je pense pas. Ok. Ça dépend. Si c'est de l'agriculture sur les toits, si c'est de des surfaces au sol, enfin dans tous les cas, moi j'imagine ça hors sol. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qui se posent, notamment par exemple si on le fait sur des toits de bâtiments, il faut que le toit supporte le poids de la terre, enfin si c'est même dans de la terre ou quoi. Donc voilà, je pense que c'est complexe à mettre en place. J'aimerais y croire. Moi je réfléchis plutôt à partir de la ville et me gérer. On plante à peine d'arbres, on met du béton plutôt que... que des jardins. Ok. Et puis conserver un peu de verdure dans tout ce béton. Merci Monsieur Laurent Rougerie d'être parmi nous. Donc, je suis Pierre-Jean Hubert, pareil, étudiant du podcast. Par rapport à ce que vous venez d'entendre, que pensez-vous de l'accès au foncier et quelles sont vos idées et votre avis par rapport... Est-ce que c'est facile d'accéder au foncier ou est-ce qu'il y a d'autres installations qui permettent d'aider cet accès? Bah, c'est un sujet qui est vraiment central. En ville, les terres sont très rares, les usages sont nombreux, la concurrence est forte et il y a une spéculation foncière pour implanter des usages autrement plus lucratifs que l'agriculture urbaine. Donc c'est un vrai sujet, quoi, la complexité qu'on peut avoir à accéder à du foncier. Donc dans un premier temps, je dirais qu'il y a une réflexion à avoir sur la protection du foncier. On a parlé des îlots de fraîcheur, mais il y a beaucoup d'autres services rendus à la ville. L'agriculture urbaine, c'est vraiment un outil multifonctionnel qui permet de créer de l'emploi, de créer de la fraîcheur, de la verdure, de la biodiversité, du lien social. Et à ce titre-là, elle doit être favorisée et donc préservée. Pour faciliter l'accès au foncier, il y a donc, on va dire, deux entrées premières. D'abord, le zonage au PLU, au plan local d'urbanisme. Donc, vraiment essayer de conserver les zones agricoles, voire même de les développer, et par-dessus ce développement, les protéger, et donc créer des zones agricoles protégées ou des PEN, c'est quelque chose qui permet de pérenniser le foncier et de contrecarrer toute spéculation, parce qu'on a une vision au long terme de l'agriculture en milieu urbain ou périurbain. À Blagnac, à côté de Toulouse, par exemple, il y a une zone agricole protégée, la zone des 15 sols. Là, voilà, on sait qu'il y a du maraîchage qui sera là à long terme. Il n'y a pas d'intérêt à spéculer, à espérer que ce soit aménagé un jour. Et donc, la ville peut préempter au fur et à mesure, acheter ses surfaces pour installer des maraîchers, développer son projet agricole. Et ensuite, ça amène directement à la deuxième question. Très peu d'agriculteurs urbains sont propriétaires de leur terrain. Et donc, se pose donc la question de la modalité de mise à disposition du foncier. Quel bail on passe entre le propriétaire privé ou l'acteur public et l'agriculteur urbain. Et donc là aussi, il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sécuriser au maximum cet accès au foncier, parce que beaucoup de choses en découlent. Sans vision au long terme, on peut rien faire. On peut commencer par aller voir un banquier, quoi. C'est pas possible. Et puis ensuite, l'agriculture, c'est quand même quelque chose, c'est une activité de temps long par rapport à l'amélioration des sols, à la plantation de certaines cultures sur plusieurs années. Donc, protection du foncier, modalité d'accès au foncier, c'est les deux, les différents baux, c'est les deux gros angles d'attaque. Après, c'est aussi intéressant de voir que dans le micro-trottoir, ça parlait beaucoup de toiture. Je pense que dans l'imaginaire des gens, quand on dit agriculture urbaine, on pense tout de suite à quelque chose de vraiment implanté dans l'urbain, dans le dense, sur du bâti. C'est quand même quelque chose qui est plutôt à la marge, même si... Ça a une grosse couverture médiatique. L'immense majorité de l'agriculture urbaine est en pleine terre au sol. Et c'est souhaitable parce que toute la multifonctionnalité que j'ai rapidement présentée tout à l'heure, elle est quand même maximisée avec des surfaces conséquentes. Et en toiture, c'est un petit peu délicat. Ça ne veut pas dire qu'il y a des projets qui sont hyper pertinents. Il en existe en toiture qui sont pertinents. Ceci étant, c'est vrai que c'est très contraignant. Il faut se poser des questions de portance du bâti, d'accès, de sécurité, d'approvisionnement en eau. Sur des territoires comme Toulouse, où on a à la fois beaucoup de vent, beaucoup de chaleur, aucune pluie en été, la végétalisation des toitures n'est pas forcément hyper pertinente parce que consommation d'eau énorme. Donc il faut vraiment corréler cette réflexion-là sur l'aménagement à la ressource en eau. D'accord, merci. Et justement, après avoir accédé au foncier, concernant l'installation des maraîchers, est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues ou d'autres projets, d'autres aides, et notamment concernant le logement? Est-ce que c'est facile pour ces nouveaux maraîchers de se loger en ville? Non, ça aussi c'est un sujet. Il y a quelques aides, il existe quelques aides dans le monde agricole, on va dire, pour le maraîchage, mais c'est quand même pas l'atelier de production le mieux loti, loin de là. Il y a finalement très peu d'aides. Ceci étant, dans le monde de l'agriculture urbaine, il y a des aides qui sortent des aides de l'écosystème agricole, des aides autour de l'innovation, du social, de l'entrepreneuriat. Voilà, il est possible de trouver pas mal d'aides, notamment pour les projets d'économie sociale et solidaire d'agriculture urbaine. Donc ça existe. Il n'est pas dur de comprendre quand on voit les moyennes de salaire de maraîchers en France qui doivent tourner autour de 2000 euros par mois pour des horaires impossibles, que c'est difficilement compatible avec un loyer urbain. Il y a pas mal de projets d'installation de maraîchers et de maraîchères urbains qui sont portés par des collectivités aujourd'hui pour créer des logis agricoles, pour approvisionner par exemple les cantines, les crèches, les restaurants administratifs. Il y a aussi des communes qui souhaitent installer des maraîchers urbains, tout simplement, pour approvisionner leurs citoyens. Et quand il y a cette dynamique de partenariat public-privé, on va dire, ça arrive que soit pris en compte l'habitat. Sur la métropole toulousaine, par exemple, j'ai en tête la ferme de Salsa à Cannes-Fonce-Grive, où Quint a à la fois a mis à disposition un terrain pour faire du maraîchage et a fourni le logement. Voilà, c'est dans le bail, il y a aussi un logement pour le maraîcher et c'est une vraie plus-value pour les porteurs de projets de pouvoir s'installer dans ces conditions. D'accord, merci beaucoup. Et si on rebondit peut-être plus sur des aspects pouvoir d'achat, Rachel va vous poser d'autres questions sur ce thème. Ouais, j'y crois, je pense que ça pourra pas remplacer l'agriculture qu'il y a, mais je pense que c'est une pierre de plus à l'édifice et une solution qui peut rapprocher la production du consommateur. En partie oui, mais je pense que c'est marginal parce que ça s'adresse à des consommateurs avec un bon pouvoir d'achat. Mais l'idée, oui, je trouve l'idée bonne. Donc voilà, je reprends. C'est vrai que sur les freins de la pollution ou du foncier, c'était des choses sur lesquelles on s'y attendait à tomber. Mais c'est vrai que plusieurs personnes nous parlent, même en introduction, de bobos. Il y a un imaginaire un peu collectif. Les denrées agricoles urbaines, c'est un peu des produits de luxe et c'est pas à la portée de tous. Donc c'est plutôt clivant, alors que nous, même dans la notion de jardin partagé, on voyait le rapprochement des citadins autour de l'agriculture urbaine, donc on était un petit peu surpris. Est-ce que vous, d'expérience, vous voyez que c'est plus clivant ou ça rapproche plus? Est-ce que ces stéréotypes vous y avez fait face et ils sont bloquants, et si oui, comment les résoudre? Je dirais que c'est pas la majorité des projets où ça se passe comme ça. L'intérêt de l'agriculture, c'est que tout le monde a besoin de manger. Donc à partir de là, on s'adresse à tout le monde, que ce soit de l'agriculture urbaine, de l'agriculture tout court. Il y a aussi beaucoup de familles, notamment modestes, qui ont des passés agricoles, que ce soit en France ou ailleurs. Donc c'est un sujet qui, au contraire, peut rapprocher. Et il n'y a qu'à voir les publics, les projets d'agriculture urbaine citoyenne sont aussi des bons exemples, parce que suffit de voir les publics dans les jardins familiaux, dans les jardins partagés, c'est très diversifié. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de clivant, même si c'est vrai qu'il y a des projets qui sont un peu plus bobos, on va dire. Hein. C'est vrai que faire des fleurs de safran sur les toits de Paris, c'est pas du tout inintéressant, mais c'est quand même, tout le monde ne consomme pas du safran frais. Donc à partir de là, on peut se poser des questions sur ces projets-là. Moi, je dirais que la vraie question, c'est plutôt le... D'abord, j'aimerais traiter un sujet là qui a été abordé par plusieurs personnes dans le micro-trottoir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre, mais c'est ce qu'ils disent, à ce que l'agriculture urbaine nourrisse la ville. D'un point de vue quantitatif, c'est totalement impossible. Donc, il y a plutôt, certains l'ont dit, un côté vitrine du rural et lien avec le rural. Donc, à ce titre-là, c'est vraiment intéressant. C'est à ce titre-là qu'il faut le développer. Et par rapport au pouvoir d'achat, le vrai sujet, en fait, c'est pas est-ce que l'agriculture urbaine, c'est quelque chose de bobo ou pas, est-ce que c'est cher ou pas. De toute façon, les quantités sont ridicules. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le sujet de l'alimentation plus généralement et la part du budget que le ménage français moyen accorde à l'alimentation. Depuis des décennies, c'est un budget qui recule. Et évidemment, il y a des personnes qui sont vraiment dans une détresse économique profonde, mais il y a aussi beaucoup de cas où on questionne plus le budget dédié à l'alimentation que le budget Netflix, téléphone et compagnie. Donc remettre l'alimentation sur le dessus des priorités, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et ce serait une solution à tous les maux de l'agriculture aujourd'hui. Et à ce titre-là, un projet qu'on porte à Eden avec d'autres partenaires, on n'est pas les seuls en France. Il y a une expérimentation qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet d'avenir à ce niveau-là. C'est vraiment le fonctionnement mutualisé de la sécurité sociale calqué pour créer une nouvelle branche dédiée à l'alimentation pour que les plus modestes aient un budget pour acheter une alimentation de qualité, locale, bio, peu transformée, saine. Et donc, voilà, là, il y a des expérimentations à Toulouse en cours. Dans l'idée de mutualiser cette dépense, et d'un point de vue, si demain ça devenait, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 7e branche de la Sécu, l'idée c'est vraiment aussi de se dire qu'en investissant dans l'alimentation des Français, derrière on fait des économies sur les budgets santé. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Donc à ce titre-là, ok, l'agriculture urbaine a peut-être des coûts de production élevés et donc de la vente de production trop élevée pour le consommateur moyen, mais elle a un rôle de sensibilisation à ce qu'est une agriculture de saison, de qualité, respectueuse de l'environnement et bonne pour la santé. Et donc, c'est à ce titre-là qu'elle doit être développée. C'est intéressant que vous nous parliez de ça, parce qu'en plus, ça va être, la sécurité alimentaire, ça va être un sujet d'un podcast d'autres étudiants. Donc, c'est plutôt intéressant d'aborder ça avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions. Je crois qu'Emilie avait une autre question à vous poser, justement, au sujet d'Eden. Oui, exactement. Donc, on voulait savoir, est-ce que vous souhaiteriez parler un peu plus profondément de la SCOP Terre au Ciel, dont vous êtes le co-gérant, et également de Eden? Oui, avec plaisir. Donc, Terre au Ciel, c'est une SCOP toulousaine, une société coopérative qui est spécialisée dans les domaines de l'agriculture et du paysage. Donc, on existe depuis 11 ans maintenant. Et donc un des cofondateurs est d'ailleurs un diplômé de Purpan. Et donc on a une équipe mixte entre ingénieurs agronomes et paysagistes. Historiquement, on travaillait vraiment sur les sujets, enfin uniquement sur les sujets d'agriculture urbaine, et on s'est rendu compte que ajouter la compétence paysage permettait d'ajouter une corde à notre arc dans la façon dont on traitait les sujets. Et donc aujourd'hui, on fait du conseil, on fait des études, des études plutôt à l'échelle territoire plus stratégique. Et on a aussi toute une activité sur le terrain, sur ces deux domaines-là, comme je le citais. Donc par exemple, on fait des études pour installer des maraîchers urbains, pour travailler sur des questions de régie agricole, en lien avec la compétence agro et paysage. Et en plus de ça, on a incubé un projet depuis 2020 qui s'appelle les carrés maraîchers, où là, on est vraiment porteur de projet d'un projet de maraîchage participatif où on a des maraîchers en interne qui mettent en culture des sites, mais au lieu de vendre des légumes, on met à disposition de particuliers des jardins pré-cultivés. Donc vraiment dans l'esprit agriculture urbaine d'avoir une production significative, mais de sensibiliser les citadins à la production et de leur apprendre à produire tout simplement. Et donc, nos locaux et un de nos sites des carrés maraîchers sont situés au sein du tiers-lieu Eden, qu'on a cofondé depuis quelques années maintenant, qui est un tiers-lieu qui rassemble une douzaine de structures qui travaillent dans les domaines de la nature en ville, de l'agriculture urbaine, de l'alimentation responsable et de l'économie circulaire. Donc c'est un site au nord de Toulouse, dans Toulouse, une ancienne maison maraîchère et sa parcelle agricole attenante sur 8000 m² qui rassemble des associations, des SCOP, une SIC, des entreprises qui travaillent dans ces domaines-là. Donc on a à la fois des bureaux, des hangars alimentaires, des hangars techniques, une grande pépinière, une grande serre de production et des parcelles maraîchères. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc on espère qu'il y aura des gens qui seront intéressés pour venir vous voir et vous poser plein d'autres questions. Nous, on va commencer à conclure, parce qu'au final, l'agriculture urbaine, c'est des nouvelles pratiques, une optimisation des surfaces en ville, des avancées sociales. C'est une activité agricole à part entière qui cherche encore à se détacher des stéréotypes et à faire sa place dans nos quotidiens. Mais en tout cas, merci beaucoup Laurent Rougerie d'être avec nous, d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. C'était vraiment super intéressant. Et nous, dans notre école, on n'en parle pas beaucoup de l'agriculture urbaine, donc c'était encore plus intéressant de se renseigner et d'en parler avec quelqu'un qui fait ça son métier. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis surtout merci beaucoup de vous intéresser au sujet, un petit peu à contre-courant peut-être de ce qui se fait dans la majorité des enseignements en école d'agro. Donc c'est super, c'est l'agriculture urbaine est une des intersections entre l'agriculture et l'environnement. Donc c'est génial de vous intéresser et de contribuer à partager toutes ces solutions. Merci beaucoup. Merci encore. Beaucoup. Bonne journée à vous. Donc moi, à titre personnel, l'agriculture urbaine, c'était déjà un sujet qui m'intéressait énormément. Mais d'y retravailler avec Émilie et Pierre-Jean, ça m'a encore plus donné envie. Et même nous, on s'est lancé un petit défi. Alors l'agriculture urbaine, on a vu que c'était beaucoup d'entreprises et de structures qui peuvent être plus ou moins grandes, mais ça peut aussi débuter chez nous. Donc avec Émilie et PJ, on a commencé à cultiver nos aromates sur nos balcons, mais pourquoi pas dédier un petit carré de terre dans notre jardin ou sur notre terrasse. Et on vous recommande de nouveau la chaîne de YouTube de Ophélie, ta mère nature, qui aborde des sujets liés à l'écologie et à la transition agroécologique, avec un focus particulier sur l'agriculture urbaine et les initiatives locales pour repenser nos systèmes alimentaires. Le tout avec pédagogie et créativité. Le lien sera en bio du podcast. Et si vous avez peur de vous lancer et de ne pas y arriver, souvenez-vous que c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Eh bien, c'est la fin de ce podcast sur l'agriculture urbaine. Merci de nous avoir écoutés. Donc, nous tenons à remercier particulièrement Laurent Rougerie, notre invité aujourd'hui, qui est co-gérant de la SCOP Terre au Ciel. Nous voulons aussi remercier Campus FM de nous avoir accueillis dans ses locaux et nous avoir permis d'enregistrer ce podcast. Et surtout remercier l'École d'ingénieurs de Purpan et surtout Sophie Yvon et Simon Giendo qui nous ont beaucoup aidés pour réaliser ce podcast. Merci Émilie, merci Rachel. Merci PJ. Avec plaisir. Et on vous souhaite une excellente journée sur Campus FM. Bonne journée. Bonne journée.